La maison, attenante au jardin de l'hôtel, était maintenant la propriété de Nantas, qu'il avait achetée à son beau-père. Par un caprice, il défendait d'y louer les toits de mansarde, où pendant 2 mois, il s'était débattu contre la misère lors de son arrivée à Paris. Depuis sa grande fortune, il avait éprouvé, à diverses reprises, le besoin de monter s'y enfermer pour quelques heures. C'était là qu'il avait souffert, c'était là qu'il voulait triompher. Lorsque l'obstacle se présentait, il aimait aussi à y réfléchir, à y prendre les grandes déterminations de sa vie. Il y redevenait ce qu'il était autrefois. Aussi, devant la nécessité du suicide, était dans cette mansarde qu'il avait résolu de mourir. Le matin, Nantas n'eut fini son travail que vers 8 heures. Craignant que la fatigue ne l'assoupît, il se lava à grande eau. Puis, il appela successivement plusieurs employés pour leur donner des ordres. Lorsque son secrétaire fut arrivé, il eut avec lui un entretien. Le secrétaire devait porter sur le champ le projet de budget aux Tuileries et fournir certaines explications si l'empereur soulevait des objections nouvelles. Dès lors, Nantas crut avoir assez fait. Il laissait tout en ordre. Il ne partirait pas comme un banqueroutier frappé de démence. Enfin, il s'appartenait. Il pouvait disposer de lui sans qu'on l'accusât d'égoïsme et de lâcheté. 9 heures sonnèrent. Il était temps. Mais, comme il allait quitter son cabinet, en apportant le revolver, il eut une dernière amertume à boire. Mademoiselle Chuin se présenta pour toucher 10 000 francs promis. Il la paya et dut subir sa familiarité. Elle se montrait maternelle. Elle le traitait un peu comme un élève qui a réussi. S'il avait encore hésité, cette complicité honteuse l'aurait décidé au suicide. Il monta vivement et dans sa hâte laissa la clé sur la porte. Rien n'était changé. Le papier avait les mêmes déchirures. Le lit, la table et la chaise se trouvaient toujours là, avec leur odeur de pauvreté ancienne. Il respira un moment cet air qui lui rappelait les luttes d'autrefois. Puis il s'approcha de la fenêtre et il aperçut la même échappée de Paris. Les arbres de l'hôtel, la Seine, les quais, tout un coin de la rive droite, où le flot des maisons roulait, se haussait, se confondait, jusqu'au lointain du Père Lachaise.